Unité 31. Conversation. Écoutez. En direct de Longchamp, le Grand Prix d'Amérique. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Jean Morat qui vous parle de Longchamp. Dans quelques instants aura lieu le départ du Grand Prix d'Amérique. Nous vous proposons d'entendre l'avis de quelques entraîneurs. Répétez. 1. En direct de Longchamp, le Grand Prix d'Amérique. 2. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Jean Morat qui vous parle de Longchamp. 3. Dans quelques instants aura lieu le départ du Grand Prix d'Amérique. 4. Nous vous proposons d'entendre l'avis de quelques entraîneurs. Écoutez. Alors, messieurs, quels sont vos pronostics? Je pense qu'au moins 3 chevaux partent favoris. Lesquels? Arabal, Belle de Nuit, Engadine qui sera montée par Yves Saint-Martin. Croyez-vous vraiment qu'Engadine puisse gagner la course? Je ne suis pas sûr qu'elle ait toutes les chances. Pourtant, c'est bien le cheval dont on parle. D'accord, mais j'ai l'impression que la lutte sera serrée. Répétez. 5. Alors, messieurs, quels sont vos pronostics? 6. Je pense qu'au moins 3 chevaux partent favoris. 7. Lesquels? 8. Arabal, Belle de Nuit, Engadine qui sera montée par Yves Saint-Martin. Neuf. Croyez-vous vraiment qu'Engadine puisse gagner la course? Dix. Je ne suis pas sûr qu'elle ait toutes les chances. Onze. Pourtant, c'est bien le cheval dont on parle. 12. D'accord, mais j'ai l'impression que la lutte sera serrée. Répondez, répétez. 13. Alors, messieurs, quels sont vos pronostics? 14. Je pense qu'au moins 3 chevaux partent favoris. 15. Lesquels? 16. Arabal, Belle de Nuit, Engadine qui sera montée par Yves Saint-Martin. 17. Croyez-vous vraiment qu'Engadine puisse gagner la course? 18. Je ne suis pas sûr qu'elle ait toutes les chances. 19. Pourtant, c'est bien le cheval dont on parle. 20. D'accord, mais j'ai l'impression que la lutte sera serrée. Écoutez. 21. Écoutons l'avis de Baumé. Vous êtes d'accord avec Philippot? 22. Pas tout à fait. Je ne suis pas convaincu qu'Arabal finisse parmi les premiers. 23. Pourquoi êtes-vous si sévère? 24. Je doute qu'il soit en pleine forme actuellement. 25. Pourtant, il me semble qu'on le donne souvent comme favori. 26. Peut-être, mais il a déjà couru plusieurs courses cette saison. 27. Alors, vous ne pensez pas qu'il puisse gagner? 28. Qu'il puisse gagner, oui. Mais que l'on garantisse sa victoire, non. Répétez. 29. Écoutons l'avis de Baumé. Vous êtes d'accord avec Philippot? Pas tout à fait. Je ne suis pas convaincu qu'Arabal finisse parmi les premiers. 31. Pourquoi êtes-vous si sévère? 32. Je doute qu'il soit en pleine forme actuellement. 33. Pourtant, il me semble qu'on le donne souvent comme favori. 34. Peut-être, mais il a déjà couru plusieurs courses cette saison. 35. Alors, vous ne pensez pas qu'il puisse gagner? 36. Qu'il puisse gagner, oui. Mais que l'on garantisse sa victoire, non. Répondez, répétez. 37. Écoutons l'avis de Beaumet. Vous êtes d'accord avec Philippot? 38. Pas tout à fait. Je ne suis pas convaincu qu'Arabal finisse parmi les premiers. 39. Pourquoi êtes-vous si sévère? 40. Je doute qu'il soit en pleine forme actuellement. 41. Pourtant, il me semble qu'on le donne souvent comme favori. 42. Peut-être, mais il a déjà couru plusieurs courses cette saison. 43. Alors, vous ne pensez pas qu'il puisse gagner? 44. Qu'il puisse gagner, oui. Mais que l'on garantisse sa victoire, non. Écoutez. Jean-Paul, n'est-il pas l'heure que tu éteignes la radio? Je voudrais écouter la fin de l'émission. Il ne faut pas que tu finisses tes devoirs? Si, mais dimanche, je veux faire le tiercé avec papa. Tu ne veux pas que nous puissions t'offrir un vison pour Noël? Je n'aime pas beaucoup que l'on fasse des châteaux en Espagne. Il faut bien qu'on s'amuse un peu, non? Bien sûr, mais il faut surtout que tu réussisses au bac. Répétez. 45. Jean-Paul, n'est-il pas l'heure que tu éteignes la radio? Quarante-six. Je voudrais écouter la fin de l'émission. 47. Il ne faut pas que tu finisses tes devoirs? 48. Si, mais dimanche, je veux faire le tiercé avec papa. 49. Tu ne veux pas que nous puissions t'offrir un vison pour Noël? 50. Je n'aime pas beaucoup que l'on fasse des châteaux en Espagne. 51. Il faut bien qu'on s'amuse un peu, non? 52. Bien sûr, mais il faut surtout que tu réussisses au bac. 53. Jean-Paul, n'est-il pas l'heure que tu éteignes la radio? 54. Je voudrais écouter la fin de l'émission. 55. Il ne faut pas que tu finisses tes devoirs? 56. Si, mais dimanche, je veux faire le tiercé avec papa. 57. Tu ne veux pas que nous puissions t'offrir un vison pour Noël? 58. Je n'aime pas beaucoup que l'on fasse des châteaux en Espagne. 59. Il faut bien qu'on s'amuse un peu, non? 60. Bien sûr, mais il faut surtout que tu réussisses au bac. Écoutez. En attendant que nous puissions toucher le tiercé, il faudrait faire un peu les comptes. Si tu veux que l'on achète une voiture neuve, il faut que nous fassions des économies. À moins que tu n'aies l'intention de l'acheter à tempérament. Mais je ne crois pas que nous puissions payer des traites importantes tous les mois. Ou alors, il vaudrait peut-être mieux que nous finissions l'année avec notre vieille 404, à moins que tu n'obtiennes une augmentation de salaire. Répétez. 61. En attendant que nous puissions toucher le tiercé, il faudrait faire un peu les comptes. 62. Si tu veux que l'on achète une voiture neuve, il faut que nous fassions des économies. 63, à moins que tu n'aies l'intention de l'acheter à tempérament. 64, mais je ne crois pas que nous puissions payer des traites importantes tous les mois. 65. Ou alors, il vaudrait peut-être mieux que nous finissions l'année avec notre vieille 404. 66. À moins que tu n'obtiennes une augmentation de salaire. Répondez, répétez. 67. Que faut-il faire en attendant que nous puissions toucher le tiercé ? 68. En attendant que nous puissions toucher le tiercé, il faudrait faire un peu les comptes. 69. Si tu veux que l'on achète une voiture neuve, que faut-il faire ? 70. Si tu veux que l'on achète une voiture neuve, il faut que nous fassions des économies. 71. À moins que... 72. À moins que tu n'aies l'intention de l'acheter à tempérament. 73. Crois-tu que nous puissions payer des traites importantes tous les mois ? 74. Non, je ne crois pas que nous puissions payer des traites importantes tous les mois. 75. Ou alors, que vaudrait-il peut-être mieux faire ? 76. Ou alors, il vaudrait peut-être mieux que nous finissions l'année avec notre vieille 404. 77. À moins que... 78. À moins que tu n'obtiennes une augmentation de salaire. 'Écoutez. Il faut que vous finissiez ce roman aujourd'hui. Je crains que vous ne le finissiez pas. Vous pourrez nous le prêter par la suite? Oui, mais il faudrait que vous me le rendiez assez vite. Répétez. 79. Il faut que vous finissiez ce roman aujourd'hui. 80. Je crains que vous ne le finissiez pas. 81. Vous pourrez nous le prêter par la suite ? 82. Oui, mais il faudrait que vous me le rendiez assez vite. 'Répondez, répétez. 83. Il faut que vous finissiez ce roman aujourd'hui. 84. Je crains que vous ne le finissiez pas. 85. Vous pourrez nous le prêter par la suite ? 86. Oui, mais il faudrait que vous me le rendiez assez vite. 'Écoutez. Il faut qu'il vienne absolument ce week-end. Je crains qu'il ne puisse venir. Ils pourront venir le dimanche suivant ? Peut-être, mais il faudrait qu'ils réussissent à se libérer. Répétez. 87. Il faut qu'ils viennent absolument ce week-end. 88. Je crains qu'ils ne puissent venir. 89. Ils pourront venir le dimanche suivant. 90. Peut-être, mais il faudrait qu'ils réussissent à se libérer. Répondez, répétez. 91. Il faut qu'ils viennent absolument ce week-end. 92. Je crains qu'ils ne puissent venir. 93. Ils pourront venir le dimanche suivant. 94. Peut-être, mais il faudrait qu'il réussisse à se libérer.